Alors, une première question, ça ne sera pas forcément sous forme interrogative, hein, c'est plutôt voilà, une remarque sur les matériaux sur lesquels on se base pour faire ce type de recherche. C'est-à-dire comment on fait ce type de recherche? Comment est-ce qu'on accède au terrain? Comment est-ce qu'on accède aux matériaux? Gabriel, dans son livre, a une annexe très intéressante justement sur cette question des matériaux, des archives et de la visibilité, invisibilité du danger et du travail dans ce type d'industrie. On voit une position, voilà, une position, on va dire, de mélange des sources, où à la fois il ne faut pas se contenter d'entretien, mais il ne faut pas se contenter d'archives non plus. L'archive n'est pas nécessairement plus informative que l'entretien. Voilà, il faut toujours croiser. Dans le travail de Pierre Fournier également, dans l'introduction, il y a une évocation de travaux qui se basent sur les archives qui ont pu, on va dire, échapper au contrôle des autorités qui essayent de restreindre l'accès à l'information sur ce qui se passe, ou des autorités ou des entreprises qui essayent de restreindre l'accès à l'information sur ce qui se passe dans les sites. Alors, la position de Pierre, me semble-t-il, hein, peut-être que j'ai tort, était de dire que ces archives étaient peut-être moins valables parce que c'était, voilà, c'était les seules choses qui avaient échappé et que peut-être les archives les plus valables étaient celles qui étaient restées sous le boisseau. En tout cas, Pierre, il me semble que dans ton travail, tu fais comme si l'observation était, on va dire, la méthode principale pour pouvoir accéder à une vérité sur ce qui se passe dans les sites nucléaires. Et voilà, et je suis le premier à avoir lu le travail collectif que tu avais co-dirigé sur observer le travail il y a quelques années, sur comment observer, faire une observation historique, mais également une observation ethnographique du travail en cours, utiliser des documents pour observer le travail, mais également observer directement. Mais après, moi, ce que je me demande, c'est, par exemple, est-ce que ce travail peut, quand tu parlais de Françoise Zonabend, tu disais, les risques, elle disait que les risques existaient d'autant plus que, ils étaient invisibles. Mais est-ce que ce travail permet de renseigner sur si les risques existent ou pas? C'est la question. Sur ce genre de choses, disons, moi je crois que la seule chose qui peut nous renseigner là-dessus, peut-être, c'est une approche critique ou sociologique de l'épidémiologie et des travaux sur la toxicité des éléments radioactifs. Mais à la limite, la sociologie elle-même ne va pas dire si c'est une situation à risque ou pas. Elle peut, voilà, Gabriel par exemple va parler d'un épidémiologiste en Afrique du Sud qui à un moment donné fait des recherches qui vont être mises sous le boisseau, qui vont rencontrer énormément de résistance. Va parler de comment Shanghai, là, ouais. Va parler de comment il peut être très difficile de faire des relevés dosimétriques dans certains contextes, etc. Voilà. Mais après, la question, c'est pas le sociologue qui va décider si c'est à risque ou si ça n'est pas à risque. Et de même, Paul, tu utilises des données épidémiologiques aussi, des données sur le danger radioactif qui viennent de médecins, qui viennent, voilà, avec une approche, on va dire, critique de la production de ces données. Alors voilà, c'était cette première question sur ce que vous pensez sur la qualité des matériaux et les manières d'accéder à ces terrains. J'ai Laura. Ouais, on a une deuxième question. Enfin, on a quatre. Hein. Après, on vous laisse. Sur la question, enfin, une question qui est transversale. Vous me donnez les quatre Ah en ouais, anglais. on vous les donne. Et puis, je pense qu'il y a plein de gens qui vont vous en donner d'autres. Et... D'accord. Après, on vous laisse. Voilà. Après, on frise le seuil de criticité. Sur la spécificité du travail nucléaire par rapport aux autres travaux dangereux. Ça, c'est quelque chose qui me semble, pour moi, ressortir de la lecture du travail de Pierre, mais aussi des discussions qu'on a pu avoir autour de l'enquête en cours de Paul et de la présentation du précédent ouvrage de Gabriel. On avait déjà eu cette question, relancée par le nouvel ouvrage. Et autour, en particulier... de ce que ça veut dire du contrôle de l'information et de l'accès à l'information. Enfin, ça rejoint la question de Pascal, mais en même temps, il y a une information certes contrôlée par l'industrie en question, mais il y a une information qui est peut-être aussi un peu, j'allais dire, ossifiée, enfin scellée dans une catégorie qui est celle de risque acceptable. Comme si toutes les informations qui sont divulguées autour de cette question de risque acceptable me semble, pour nous autres sociologues, historiens, enfin amateurs de sciences sociales et praticiens de sciences sociales, être une catégorie qu'on doit impérativement mettre en question. C'est-à-dire que moi, je repense toujours, mais ça, c'est une déformation liée à un terrain qu'on a en cours et en commun avec Pascal, mais d'une mobilisation sur le saturnisme où un des tracts disait « mais un risque acceptable, c'est un risque acceptable pour qui ?» Et qui en décide ? Et donc, il me semble que dans l'accès, enfin, ça rejoint la question des sources, mais plus largement, c'est dans la construction sociale du risque, la question des acteurs qui contribuent à construire ce risque, mais aussi à construire, à construire cette notion de risque acceptable, mais aussi à construire sa contestation, me semble un des éléments qui est particulièrement important à prendre en compte et qui l'est dans l'enquête de Gabriel. Je repense notamment à pour le coup, un personnage, mais dont j'ai oublié le nom parce que j'ai pas repris le livre, mais que Gabriel, tu nous avais présenté quand tu étais venu parler de ton enquête, déjà sur Being Nuclear au séminaire, que tu avais filmé un entretien. Je crois que c'était lui, et qui justement revenait sur cette discussion, me semble-t-il, des seuils d'acceptabilité. La question, c'est pas tant le rapport dose-effet ou la gestion par la dose là-dedans. Dans ce que nous, on peut apporter en tant que sociologue, c'est la question de qui parle de risque acceptable, qui construit la norme d'un risque acceptable, mais aussi qui la conteste, et qui, en la contestant, contribue à la refaçonner, à la construire de nouveau. Et ça me semble un des éléments qui est peut-être à interroger, et qui est peut-être aussi un des éléments qui peut permettre de comprendre pourquoi des ouvriers, par exemple, confrontés à la contamination, au risque de contamination, enlèvent leur dosimètre. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui, pour le néophyte ou le profane, est un truc hyper surprenant. Mais ça fait partie de la construction d'un risque acceptable qui ne se dose peut-être pas complètement. Mais qu'est-ce qui est acceptable? En tout cas, comment, dans deux champs, c'est-à-dire comment, dans la façon dont le management peut le construire et dont une certaine épidémiologie contribue à construire la notion de risque acceptable, je pense là notamment aux travaux de Céline Topchou qui montrent comment les épidémiologues ils sont aussi pris dans cette tension éminemment sociale et politique qui est la construction du risque, comment d'un côté, enfin, qui concourt à construire et faire accepter ce risque, mais de l'autre côté, qui le conteste ou qui, en se l'appropriant, en donne aussi une définition. Et moi, il me semble que là, on est parfois trop tenté, non pas à la lecture de vos travaux, mais de manière générale, et encore une fois, dans ce que des bons épidémiologues appelleraient la mauvaise épidémiologie, on est trop tenté d'avoir une image réifiée de la définition du risque qui change en fonction des seuils, mais qui n'est pas assez, me semble-t-il, axée sur l'ensemble des acteurs qui contribuent à définir ce risque comme étant en permanence une tension. Et il me semble que qu'on soit à l'échelle micro d'un ouvrier qui décide d'enlever son dosimètre ou qu'on soit à l'échelle plus méso d'une tension sur à combien est-on de millisévère ou à combien passe-t-on, on est quand même toujours dans une tension sur la définition du risque. Et que ça, c'est quelque chose que vos travaux permettent de voir et qui, me semble-t-il, serait peut-être à rediscuter comme étant un des éléments à mettre en avant. Il y a un autre point, qui est une avant-dernière question, qu'on aurait appelé avec Pascal volontiers les échelles de la domination ou de la subalternisation, si vous permettez, de néologisme. C'est-à-dire que tous les trois, vous montrez très bien, via la sous-traitance, mais pas uniquement, via la sous-traitance dans le travail de Pierre, la sous-traitance dans le travail de Paul, et en même temps, je dirais, l'organisation internationale du marché de l'uranium dans le travail de Gabriel, où, au fond, que ce soit le marché du travail ou le marché de ce produit qui est l'uranium, la question de la domination de la domination, qu'elle soit post-coloniale ou qu'elle soit liée au statut, est particulièrement importante. Et là, moi, j'aurais une question qui m'est venue de la lecture de... Enfin, qui est commune aux trois, mais qui est aussi, j'allais dire, un peu suscitée par la lecture de l'ouvrage de Pierre, où à un moment... Pierre, tu te démarques du schème de la domination, peut-être dans l'introduction, pour montrer comment il y a une dynamique de, je dirais, de, de création, peut-être de liberté dans la façon dont les ouvriers appréhendent leur travail. Qu'ils ne sont pas simplement des dominés qu'on envoie à l'abattoir, y compris quand on est sous-traitant plusieurs dizaines d'années. Et que donc, du coup, il y a intérêt à regarder, mais intérêt au sens heuristique, à regarder la façon dont ils s'approprient et ils négocient leur travail. Mais néanmoins, j'allais dire, dans l'organisation au quotidien du travail, je suis assez d'accord, mais comment on peut appréhender ça, et ça c'est un des points pour le coup que je renvoie à tous les trois, dans une organisation plus large du management et de la gestion de la main-d'œuvre à l'échelle d'un site, ou d'un marché du travail à l'échelle de plusieurs sites avec recours aux sous-traitants, comme c'est le cas dans l'enquête de Paul, ou plus largement d'un marché international de l'uranium, comme c'est le cas dans l'enquête de Gabriel. Est-ce que cette question de la domination, elle ne revient pas en permanence, qu'elle soit une domination économique, qu'elle soit une domination du statut sur le moindre statut, et est-ce qu'elle ne renvoie pas à l'externalisation des risques, qui est quand même caractéristique de la sous-traitance? Je reviens pour moi à ces figures de sous-traitants qu'on voit dans l'enquête de Pierre, mais dont Paul parle aussi beaucoup. L'imbrication... des formes d'emploi et du recours à la main-d'œuvre sous-traitante fait que la reconnaissance du risque, qu'elle soit symbolique ou qu'elle soit y compris monétarisée sous la forme d'une reconnaissance d'une atteinte à la santé, elle est très compliquée quand on est sous-traitant. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est permanent, qu'on ne peut pas gommer, et qui fait que, y compris dans un collectif de travail le plus resserré soit-il, cette question de la domination à l'échelle la plus micro, elle est encore très fortement perceptible, et que cette externalisation des risques, au fond, elle est quelque chose qui caractérise vos trois terrains d'enquête, qui soit à l'échelle, encore une fois, micro sur le site de Marcoul, peut-être plus méso sur plusieurs sites avec l'enquête de Paul, et à la fois micro et macro dans l'enquête de Gabriel, qui délibérément rentre et par le travail et par le produit. Voilà, enfin, je ne sais pas si c'est assez clair. Et pour poursuivre sur cette question, c'est la même chose. On pourrait se demander... Bon, on est en présence dans ces différents travaux, mais en général dans les travaux on est exposé à des risques. On est en présence, on pourrait dire, de rapports de domination, dans le sens où un salarié, un travailleur est obligé, ou en tout cas choisi de mettre sa santé potentiellement en danger pour pouvoir vivre. C'est juste... C'est ce genre de choses. Un exemple que je donne parfois en cours, là, quand on parle de libéralisme économique, etc., c'est aux États-Unis, dans des entreprises, des usines chimiques, on utilise des solvants. Les femmes, on leur demande de signer une décharge de responsabilité à l'embauche, disant « je sais que les produits que je manipule sont reprotoxiques, et que si jamais j'ai une grossesse, et que je ne sais pas que j'ai cette grossesse, etc., et que mon fœtus, mon bébé a une malformation, je décharge de l'employeur de toute responsabilité. » On peut se dire, si... ces femmes-là sont obligées, signent ce papier à l'entrée dans ce boulot, ça montre bien qu'elles sont peut-être pas en situation de liberté totale. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que si on la proposait un autre travail où il n'y avait pas ça, peut-être qu'elles le prendraient si elles avaient le choix. Voilà. Et de manière générale, quand on explique l'exposition au risque par la méconnaissance des risques, souvent, quand même, les travailleurs, ils ont une connaissance. Ils ont une connaissance. C'est jamais très technique, c'est jamais très précis, voilà. Mais ils ont une connaissance. Alors, donc on est en présence de rapports de domination, de subordination. Et moi, ce que je me demande, c'est dans quelle mesure l'autonomie qu'on laisse parfois au collectif de travail, comme par exemple cette autonomie-là, cette absence de management, n'est pas une forme de sous-traitance de la responsabilité. C'est-à-dire, le problème avec une domination trop forte... Il y a beaucoup d'avantages d'une domination très forte pour l'employeur, pour le donneur d'ordre. Mais il y a un problème, c'est que tout à coup, la responsabilité, elle remonte. Si jamais il y a un problème, ça va être l'employeur qui a mis aux causes. Parce que pour être responsable, il faut être libre. Et si la personne n'était pas libre du tout, mais ne faisait qu'appliquer les règles et les ordres et ne pouvait pas faire autrement, alors on va mettre en cause en haut. Alors que qu'est-ce qu'on voit dans les différents procès au pénal aujourd'hui sur ces questions qui commencent? C'est que la stratégie de défense des employeurs est de dire « Mais non, mais ils étaient autonomes. » Eternit Italie, c'est totalement autonome par rapport au groupe Eternit. Tel travailleur était totalement autonome. C'est eux qui ont choisi de ne pas prendre leur dosimètre. C'est eux qui ont... Mmh. Voilà. Et dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas juste quelque chose aussi pour laisser la responsabilité au niveau le plus bas? Je termine avec la quatrième question, qui n'est pas une question, mais qui est plutôt une remarque, sur la nucléarité. Ce terme de nucléarité, là, élaboré par Gabriel, qui me semble vraiment très pertinent. Et je me disais qu'on pourrait peut-être l'appliquer dans beaucoup de terrains différents. Et moi, je pensais à un exemple en France. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même exemple dont parle Pierre Fournier dans l'introduction de son livre, l'accident de Marcoule. Ce fameux accident de Marcoule, donc je suis revenu un petit peu sur les détails de cet accident. L'accident de Marcoule qui a lieu le 12 septembre 2011, donc quelques mois après Fukushima. Et alors, qu'est-ce qu'on entend dans la presse ce jour-là? Qu'il y a un four qui a explosé, il y aura une personne morte et des personnes blessées. Et ce four était donc un four qui servait, qui est un des dispositifs servant à réduire le volume des déchets radioactifs pour pouvoir après les conditionner plus facilement ou en prenant moins de place, en parlant les vitrifiants, etc., pour que on essaye de contenir les rayonnements, faire une enveloppe autour pour pas que les rayonnements s'en échappent. Alors, c'était donc sur le site de Centraco, qui appartient à la Socodei, qui est elle-même une filiale d'EDF. Quelques heures après, le même jour, je me souviens d'avoir suivi ça en direct, communiqué de l'ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire, l'accident est terminé. Puis EDF qui dit, c'est un accident industriel, pas nucléaire. Il n'y a pas de rejet radioactif. Et a priori, il n'y en aura pas. Éric Besson, ministre de l'Industrie, il n'y a aucun risque radioactif. Et là, dans la presse française, c'est tout ce qu'on va entendre sur cet accident. C'est-à-dire que la presse française ne parvient même pas à obtenir le nom de la personne qui est morte. Et alors c'est un journal espagnol qui va faire l'enquête, un journal qui s'appelle Publico, parce que en fait cette personne qui est morte est espagnole. C'est quelqu'un qui s'appelle José Marín, qui a 51 ans, et donc qui est mort dans cet accident. Et le journal espagnol fait un article qui rend compte de cette enquête, une vraie enquête journalistique, bon sens du terme, voilà, dont le titre est « La France étouffe l'origine radioactive de l'accident de Marcoule ». Voilà. Et dans cet article, qu'est-ce qu'il remarque? Premièrement, il parle aux policiers qui sont arrivés sur le site juste après. Et un policier qui, interviewé, dit au journaliste « Heureusement que mon commandant m'a appelé et m'a dit de ne pas rentrer sur le site ». Mon commandant m'a dit vous ne devez pas rentrer, ce n'est pas un accident comme les autres, attendez l'arrivée de la brigade spécialisée qui arrive de Marseille et de Paris, brigade spécialisée, risque nucléaire, radiologique, chimique, etc. Voilà. Et c'est eux qui sont allés à l'intérieur. Le corps de José Marín a été laissé tel quel pendant 48 heures parce qu'ils se sont demandé comment faire pour sortir le corps. Ils ont réfléchi à décontaminer le corps pour le sortir, mais le four avait explosé, il y avait plein de débris métalliques insérés dans le corps de l'ouvrier, et en fait c'était impossible de le décontaminer comme ça. Il y a eu une dérogation pour ne pas faire d'autopsie, alors que dans ce type de cas on fait une autopsie, mais pas d'autopsie. Pourquoi? Parce que sans doute on peut imaginer, parce que ça c'était trop dangereux, on ne peut pas faire une autopsie sur quelqu'un comme ça qui est radioactif. Puis après le cercueil a été placé dans un cercueil plombé avec un blindage spécial anti-radioactivité. La famille n'a jamais pu voir le corps et le corps a été enterré comme ça. Voilà, a été rapatrié en Espagne, etc. Après, voilà, il y a eu des obsèques normales, etc. Mais donc, on voit que dans le traitement même de cet accident, ce n'est pas un accident comme les autres. C'est, on peut dire, là, il y a une certaine nucléarité de l'accident. Et ce jeu sur nucléarité, non-nucléarité, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très pertinent et d'intéressant sur tous les terrains, à voir comment il y a un jeu là-dessus et comment le pouvoir... les relations de pouvoir qui se jouent dans ces domaines, elles utilisent ça comme variable principale. Voilà pour. Donc voilà les quatre questions un peu. Alors soit vous pouvez y répondre maintenant comme ça, soit vous voulez peut-être attendre d'autres questions et. Là nous on s'arrête. Voilà. À mon avis, il y a plein de gens qui ont écouté pendant très longtemps. Ouais, on va peut-être leur questions. Laisser la parole. Ouais. Alors. Moi, j'ai une question pour Gabriel à propos du Niger. L'Areva dit qu'il n'y a pas de cancer, le mode de vie, etc. Moi, j'ai entendu dire, on va me dire si c'est vrai, qu'en fait, au Niger, il n'y a aucun moyen de faire un diagnostic de cancer. Voilà, donc ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de cancer, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas de quoi faire les biopsies, il n'y a pas de quoi faire les anapathes, il n'y a pas de quoi faire les scanners, il y a encore moins de moyens de les soigner, de les traiter. Donc, les cancers passent inaperçus. On va peut-être prendre 3 ou 4 questions avant. En plus de nos 3 ou 4. En plus de nos... Monsieur. Monsieur. C'est plutôt des remarques, mais qui devraient interroger Madame Richter. La première, c'est que chez nous aussi, il y a deux mots. Il y a le mot atomique et le mot nucléaire. La bombe est atomique, le réacteur nucléaire. Il est devenu nucléaire à partir du moment où on a fait les bombes en France. Avant, il s'appelait réacteur atomique. Donc, on est un peu comme les Japonais. Hein. Il y a une préciosité à vouloir masquer la réalité des choses en France en deux différences. Mais ce qui m'intéresse dans votre étude, enfin, que je n'ai pas lu, c'est de savoir si vous avez examiné les aspects historiques de l'uranium en Afrique. Comme vous le savez, la bombe américaine était faite avec l'uranium Congo. Il y avait 2500 tonnes seulement disponibles à l'époque qui sont allées chercher. Congo belge, hein, bien entendu. Et depuis, vous le savez aussi sans doute, il n'y a plus d'uranium au Congo officiellement. Ce qui est quand même pose question. Une deuxième affaire très lourde qui me touche personnellement, parce que mon beau-père est malgache et c'est une période dont les malgaches ne parlent pas. Juste après la guerre, enfin un peu après la guerre, il y a eu un mouvement de protestation à Madagascar. Or, Madagascar, c'était le lieu où les Français avaient de l'uranium, à Fort Dauphin. On n'avait pas, encore trouvé. Et il y a eu une répression extrêmement brutale, puisqu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts. Et alors l'ironie de l'histoire, c'est que quelques mois après cette répression épouvantable, on a trouvé les mines de la Prouvine. Donc on a un arrière-plan historique très lourd qui, à mon avis, pèse encore dans le dossier et dans la manière dont les gens... parce que ça n'a pas été dévoilé, finalement, ça n'a pas été traité historiquement. Hein. En France, c'est un blackout total. Et le dernier point, c'est quand même le plus risible, c'est que quand Bokassa a pris langue avec Kadhafi pour lui vendre de l'uranium de Centrafrique, puisqu'il y a des mines aussi, enfin des gisements en Centrafrique, eh bien on a dit qu'il mangeait les petits-enfants, et on a envoyé les parachutistes pour le dégommer. Donc ça, c'est les aspects historiques, je ne sais pas si vous les avez traités. Concernant la virilité, moi je me souviens avoir discuté avec Teste Lubaillé, qui a été directeur à EDF après avoir été directeur de la Centrale du Chinon, c'était à la grande époque des cow-boys du nucléaire en France, et il me disait, ben, nous les cadres, ceux qui n'allaient pas faire la sieste en zone rouge, c'était vraiment des moins que rien. C'était à Chine. Ben oui, mais c'est quand même un peu inquiétant dans la notion de perception du risque. On voit bien qu'ils étaient conditionnés pour se dire, bon, c'est pas grand-chose. Et à l'époque, on disait que la bombe française était propre. Et Oppenheimer, je crois, il a la même chose. Hein. Il s'est jamais impliqué dans l'histoire des survivants d'Hiroshima, parce que de toute façon, les retombées, c'est rien du tout, les bombes sont propres. C'est un peu bizarre, lui aussi, dans ce domaine. Alors, pour la doctrine à l'arbre, je pense qu'il faut absolument y associer le principe d'optimisation. Parce qu'il est présent partout dans la réaction des gens. Ils optimisent. À Tchernobyl, on a optimisé avec 100 rad, qui était la dose d'intervention des militaires en cas de guerre nucléaire. Hein, c'est-à-dire un sievert, hein, enfin un grec. Bon. Au Japon, ils ont mis, vous dites, 250, c'est-à-dire 25 rads, ils ont mis moins. Bon, c'était moins dangereux. En fait, on adapte la dose au risque. Et c'est pareil pour les travailleurs. Entre le risque de perdre de l'argent et celui de se faire contaminer, eh bien, ils appliquent le principe d'optimisation. Hein. Et s'ils disent qu'ils ont dépassé la dose, ils vont avoir le salaire qui va baisser. Et donc, ils disent qu'ils ont pris la dose. Et on peut dire que la doctrine de la Commission internationale de protection radiologique, c'est elle qui a inventé ALARA et le principe d'optimisation, diffuse dans le monde atomique. Et les gens la font leur à leur niveau. Et ça, c'est très grave, parce que la responsabilité, elle vient d'en haut, hein, de masquer ces choses-là. Et pour terminer, justement, le comble de l'application de l'ALARA et du principe d'optimisation, c'est la convention d'assistance qui a été signée juste après Tchernobyl et votée par l'ONU et qui confie à l'Agence pour l'énergie atomique la gestion intégrale des crises radiologiques. Dans cette convention, le mot santé n'apparaît pas. Et donc, on voit jusqu'où ça va. C'est-à-dire qu'à partir de là, les hommes ne comptent plus. Le mot santé n'apparaît pas. On gère la crise indépendamment du risque, puisqu'il n'est pas prévu. Moi, j'avais une question, elle s'adresse peut-être plus à Pierre Fourny, qui connaît bien les deux terrains en termes de comparatisme. Je me demandais, en vous écoutant, est-ce qu'il y a une spécificité dans la façon dont l'industrie nucléaire, dans son sens large, construit cette notion de risque. Et je pensais beaucoup à l'industrie pharmaceutique, avec cette façon de faire passer, enfin, je pense à tous les scandales sanitaires qu'on connaît tous, le Mediator, le Staminon, le Bintoflurex, comme des accidents. Et chaque fois qu'on s'y penche, on s'aperçoit que le système secrétait de lui-même ces scandales. Donc est-ce qu'il y a le même travail qui est fait d'invisibiliser le fait que c'est systémique? Et là où je voyais aussi un point commun avec l'industrie pharmaceutique, c'est sur ce travail de l'autonomie. On a bien vu dans l'affaire du Mediator, c'est l'autonomie de prescription du médecin qui produit le scandale. Donc dans quelle forme on a des méthodes assez classiques des industriels pour faire accepter qu'il y a un risque, et comment il y a une gestion particulière, notamment par le fait qu'on ait des autorités étatiques qui soient plus investies dans le nucléaire que dans d'autres domaines.